pour la dernière doublette de l'aspect française, une toute dernière nouveauté, Quilin. Voilà, première fois qu'on diffuse en plus cette formation dans l'émission. Quilin, ça nous vient de Paris, on est sur du métal, 100% instrumental. On est sur du stoner doom à tendance psyché. La formation est active depuis 2015 et c'est donc le second album studio qui vient de sortir. 40 minutes d'une recette plutôt lourde et très fuzzy, avec des atmosphères riches et variées. C'est vrai qu'en plus le métal instrumental, c'est pas du tout ce qu'on diffuse le plus. Voilà, ça permet de respirer un peu dans l'aspect française de ce soir et dans l'ensemble de la diff. Et ça reste cependant hyper cohérent. Qu'est-ce qu'on peut préciser autour de Quilin ? Eh bien, ça désigne un animal imaginaire dans la mythologie chinoise, symbole d'harmonie et de sérénité. Voilà, le lien se fait toujours avec notre volonté d'étendre toujours plus au-delà de nos zones de confort en termes de diffusion musicale. Morning Dawn dans la doublette avec Quilin. Bon, là pour le coup, on revient sur une terre bien connue. Le groupe de Black Net Doom qui nous vient de région parisienne, actif depuis 20 ans maintenant, vient de démouler son 6e album. Un doom plutôt mélancolique et pesant, des lignes vocales plutôt hurlées à la sauce black. C'est des textes alt à la fois en français et en anglais, et on peut coller ça dans une veine d'un Forgotten Tomb. Et dans le line-up, on retrouve des ex et actuels, Ataraxie, Funeralium, voilà, des gars qui ont un sacré CV. Derrière eux, en termes de métal triste. Quilin, le morceau On Megoy's Trail, extrait de l'album Parasomnia. Morning Dawn, Tombée du Temps, extrait de l'album The Foam of Despair. C'est parti. Thank you. la vie, c'est axé sur le temps, sur l'horreur du temps, la peur du temps, la révélation du temps, la conscience du temps. Ceux qui ne sont pas conscients du temps, ne sont pas. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Yeah. se perdre. Autant dire l'état normal, le mode de sentir officiel d'une humanité éjectée en fin de l'histoire. Nous permet de faire un petit pont pour sortir de la diff internationale avec Dissimulator, les cousins du Québec, la formation qu'on a rentrée dans l'émission il y a maintenant quelques semaines, qui nous propose du tech trash death qui nous vient de Montréal, formé il y a quelques années seulement. Des icos chargés en expérience avec un CV long comme le bras, dont le batteur qui cogne au passage aussi dans Beyond Creation. Une sortie 20 Backspin Records, 40 minutes d'un trash death qu'on peut rapprocher d'un Sadus, Voivod et autres Coroner. Ça joue super bien, sans que ça vire à la démonstration pour autant. Très solide, voilà, un power trio ultra efficace, varié, inventif, avec des petites séquences un peu atmo pour que ça permette de respirer entre des séquences incisives et frontales. T'en veux du frontal, en voilà, Luciferian Rites, groupe de black qui nous vient du Mexique, qui va chercher ses inspirations dans la scène finlandaise avec les gros morceaux type Orna, Sargeist et Outbexen. Un black radical et haineux, très traditionnel dans la recette, avec des bonnes grosses lignes vocales à la sauce chauve-souris. Voilà, ça vient du Mexique, c'est la haine et nous on aime ça. On va donc s'écouter les morceaux Neural Hack avec son album Lower From Resistance signé Dissimulator, Luciferian Rites avec le titre Bats of Crimson Windows, on parlait d'écrit de chauve-souris, hein, avec son album Oath of Midnight Ashes, et c'est parti.

de l'émission Hellbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, l'émission métal du dimanche soir, l'émission de tous les extrêmes, et d'ailleurs, en veux-tu, en voilà, t'en veux pas, t'en auras quand même, avec la doublette à venir, avec une ouverture américaine, Knoll, groupe formé en 2017, qui nous vient du Tennessee, et qui vient de sortir son troisième Alfort Studio. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Musicalement, c'est le chaos total, l'apocalypse absolue, un putain de mélange à la lignée, dans la croisée, dans la... à la croisée, dans la lignée, pardon, d'un Full of Hell et d'un Portal, un Blackening Death Grind noisy sur les bords, c'est implacable musicalement, ça reste écoutable, faut juste se cramponner, j'aimerais bien de me cramponner, hein. L'émission, quand vous l'écouterez, je l'aurai enregistrée en soirée. La fatigue est aussi présente qu'une version live. Voilà, on fait en sorte que ça ressemble au direct. Hein. On évite de faire trop de montage. Voilà, je m'égare. Knoll, donc, musique chaotique, rampante, sale, avec même des grosses séquences à la sauce Funeral Doom. 11 titres qui vont de 2 à 6 minutes. La recette est donnée. Boundless Chaos ensuite nous renvoie en Allemagne avec ce groupe de trajets formé en 2017 qui vient de sortir son premier effort studio chez Dying Victims. Là, normalement vous avez toutes les petites lumières qui s'allument en termes de qualité et d'orientation musicale. 9 minutes, c'est un drame. 9 titres pour 35 minutes et pas 9 minutes pour 35 titres, hein, c'est pas du grindcore. D'un trash bien frontal et old school qu'on va rapprocher d'un vieux Dark Angel, Possessed et autres Sepultura. Voilà, les présentations sont faites pour ce qu'on va s'écouter tout de suite. Tout d'abord, Knoll, le morceau Wept Fountain, extrait de l'album Outspoken. Boundless Chaos, Demons Unchained, extrait de l'album Sinister of Evil. Et on va essayer de faire moins pire pour les présentations à venir. Pas des caisses hein, dans la doublette à venir, Deepigus et Moom. Au niveau de la présentation des groupes, même si ça fait quelques semaines qu'on se les écoute, Deepigus tout d'abord, on est sur du Death Crading qui nous vient de Californie, actif depuis une dizaine d'années. C'est le troisième effort studio qui vient sortir. C'est une femme qui tient le micro, si, si, je vous assure, hein, elle officie dans un registre à la sauce autopsie, même un énorme hommage à Impetigo. Espèce de death donc bien crado, légèrement doomisant, avec une approche globale ultra primitive. Et une musique bien primitive aussi, celle de Moom, un groupe de power violence grindcore qui nous vient de Tel Aviv. C'est une femme également qui tient le micro, actif depuis une dizaine d'années. La formation vient de sortir son premier album longue durée, toute proportion gardée, chez notamment Lixiviat Records. 17 morceaux pour 17 minutes. Il n'y a que le dernier morceau qui avoisine les 5 minutes hein, pour une approche un peu plus sludgy. Tout le reste ne dépasse pas les 1 minute 30. C'est énervé, radical, engagé. Absolument parfait et à découvrir absolument la musique de Moom. Deepigus, Perverse Termination, extrait de l'album éponyme Deepigus. Moom, Momzina Chinui, extrait à Wake Up From My Sleep, extrait de l'album Plague Infested, Urban Dump of the Future. Tout un programme. Right now, forgotten animals and forgotten men, and find him alive. arrive dans le trio de fin pour l'émission Le Mangueur de ce soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, hein, bientôt la fin de clôturer cette nouvelle émission Le Mangueur. C'est pas une doublette, c'est un groupe tout seul qu'on va s'écouter maintenant. C'est la dernière nouveauté dans l'émission de ce soir. Il s'agit de la formation belge Klisma. On est sur du Brutal Death slamisant. C'est le troisième effort studio qui vient de sortir chez Amputated Vein Records. Pour cet album, pas mal de changements au niveau du line-up. Jason Lambert a repris donc le micro. C'est une des têtes pensantes dans Human Barbecue qu'on a déjà diffusé. Il a été présent de 2017 à 2019 et c'est un nouveau frappeur et un autre guitariste voilà, qui rejoignent Roy Freyen, qui n'est autre que l'autre tête pensante de Human Barbecue aux côtés de Jason. Ce petit monde nous balance donc un 15 titres pour une quarantaine de minutes et on retrouve pas mal de guests, aussi bien sur les vocaux que sur les compos. Les grognards de Guttrectomy, Analepsy, Cranium, Begging for Ancest et même quelques autres. Hein, c'est ça, j'ai les petites lignes d'infos, c'est carrément un guest par compo. Voilà, c'est plutôt chouette, c'est ce que nous sort encore comme concept de Klisma. Tiens, on dirait Abortide. Oh zut. Klisma Vicious Eternity, pour le coup c'est avec le gueulard de Analepsy, extrait de l'album simplement intitulé Days, déjà dispo chez Amputated Vein Records. C'est parti. Tiens oui, c'est rigolo ça. Deux formations belges qui sortent le même type de concept album avec plein de guests. Rigolo. dernière doublette dans l'émission de ce soir, et même la doublette juste après, c'est juste pour vous faire un petit reminder des dates à venir le week-end prochain. Il se renifle le cul ici complètement, et c'est pas pour rien. Un week-end au Canadian placé sous les couleurs de Something for the Youth et de Catharsis Assault. Là, on va s'écouter d'abord deux groupes présents sur la soirée de Something for the Youth, la soirée hardcore Tourangelle, qui nous propose un plateau 100% roast beef. On a diffusé déjà deux groupes la semaine dernière. Ce soir, on va s'écouter Dominate et Final Form. On est sur un bon échantillonnage de tout ce qu'on peut trouver dans la scène underground anglaise de hardcore, beatdown, trash hardcore, death hardcore. Tout ça, ça gravite autour du label américain Days Records. Voilà, 5, 8, 10 euros selon vos possibilités, vos souhaits pour soutenir l'asso et les groupes. Voilà, le samedi 17 février au Cana, démarrage de la baston à 19h. Dominate Scars of the Past, extrait de l'EP Out for Blood. Final Form, Hell on Earth, extrait de l'EP sorti en 2022. Et tout ça donc pour illustrer la date du 17 février au Cana. C'est parti! We'll be right back. This is where my choice of bed. It's a life. Say a right back. Et la dernière doublette de ce soir pour clôturer ces deux heures passées ensemble, une illustration musicale de la soirée organisée par Catharsis le 18 février, pardon, c'est pas vendredi, samedi, c'est samedi, dimanche, également au Cana, 5, 8, 10 euros selon vos possibilités, vos souhaits pour soutenir les groupes et les orgas. Une soirée placée sous le signe du True Metal, avec notamment Violentor et Undercroft, formation italienne et sud-américaine. Violator qu'on avait pu voir en 2020 dans le cadre d'un des confinements, voilà, en pleine période Covid. Violator, on s'écoutera le morceau La Pora Occide, extrait de l'album Manifesto di Odio sorti en 2022. Undercroft, le morceau El Condenado, extrait d'album The Seventh X sorti en 2017. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas les concerts à venir pas loin de chez vous. Bonne fin de soirée, ciao ciao. Ho pensato di avere il controllo, nascondendo le paure dentro me. Il pensiero di essere fuori posto, costretto a cambiare l'essere me stesso. Provato a fidarmi ad occhi chiusi, soffocando la mia anima sofferta nel delirio onnipotente dei perfetti, calpestando la mia libera coscienza. Spirito Santo, ti ricordano la tua anima è persa. Scegli di dubitare del giudizio di un conto infame che occulta all'uomo la conoscenza. La vostra voce è sudicia coscienza. La paura uccide il rispetto che hai dell'essere te stesso e quello che fai. La paura uccide e devi aver paura, non manca morto, è giunta la tua ora. La paura uccide, questa è la tua via. La paura uccide, non sarà la mia. La paura uccide, questa è la tua via. La paura uccide, non è la mia. We'll be right back. Lastima!